Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. Et s'il avait été assassiné ? Pablo Neruda, le plus grand poète chilien. Pablo Neruda, l'ami de Salvador Allende, mort une dizaine de jours après le coup d'État de Pinochet, alors que le prix Nobel de littérature allait s'envoler pour le Mexique, où il serait devenu la voix de la résistance chilienne. La rumeur de l'assassinat de Neruda avait couru, mais ses proches, et même sa veuve, n'en avaient jamais fait état. Le poète était malade et sa mort, à 69 ans, semblait naturelle. Cependant, son chauffeur ne cesse depuis 40 ans de dénoncer ce qu'il considère être un crime en rapportant des éléments troublants. De nombreux autres faits accréditent le soupçon, à commencer par la mort d'une autre figure de la société chilienne, l'ancien président Eduardo Frei, dont on sait aujourd'hui qu'il a été victime d'un empoisonnement criminel et qui, coïncidence troublante, est décédé dans cette même clinique où Neruda s'est éteint. Mais il y a aussi la présence au sein de la police secrète du régime d'un certain Eugenio Berrios, un expert en poison qui a donné maintes preuves de ses redoutables talents avant d'être supprimé à son tour. Dans un instant, le récit de Monsieur X. La palabra cobra vida cuando entramos a la mar, la misma barcaza que antes nos privó de libertad, hace el camino de vuelta a Iquique nos llevará. En el destierro lejano quemaba una interrogante: ¿cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. La libertad eres tú, son tus ojos y tu pelo, es la leche de los niños, es la bandera del pueblo, es buenos días señora, es el tranvía o el cerro, es el canto esperanzado, es Neruda en el desvelo. Libertad es el papel, complemento de mis versos, es el abuelo sentado, la pala del pirquinero, es el aire, son las flores, es el viaje de regreso, es el marinero errante o el que se quedó en Quintero. Y es el vino, es el mantel recién puesto, es el hombre trabajando en la fábrica o en el puerto, es la esencia de los libros, es el silbido del viento, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto, es no poder decir. La libertad ha muerto. D'abord, il faut que vous compreniez que Neruda était la bête noire des putschistes chiliens qui s'étaient emparés du pouvoir le 11 septembre 1973. La bête noire, pourquoi ? À cause de sa popularité ? Bien sûr. Et ce n'est pas un hasard si, aussitôt après le coup d'État, des militaires et des miliciens du parti d'extrême droite, Patrie et Liberté, se sont attaqués à la maison que le poète possédait à Santiago et l'ont saccagée. Et où se trouvait Neruda alors ? Dans son autre maison, Isla Negra, l'île Noire, une magnifique demeure en forme de bateau, à une centaine de kilomètres de Santiago, au bord du Pacifique. Là où il sera inhumé beaucoup plus tard. Si Neruda est la bête noire des amis de Pinochet, c'est parce qu'il est communiste. Et un ardent partisan de Salvador Allende. Ouais, qui lui n'était pas communiste mais socialiste. C'est juste. Et pour les putschistes et ceux qui les inspiraient, c'est-à-dire Nixon et Kissinger, ça ne faisait pas de différence. Non. Ce qui inquiétait les nouveaux maîtres du pays, c'était l'audience de Neruda. Réfugié à l'étranger, le prix Nobel pouvait devenir un symbole de la résistance, le porte-parole de l'opposition démocratique. Autre chose, sa maladie. C'est à Paris, alors qu'il était ambassadeur du Chili en France, qu'on diagnostique son cancer de la prostate. Il est soigné, mais en 1972, il donne sa démission et revient au Chili, où il reçoit un accueil triomphal au Stade National. Et c'est là même où les sbires de Pinochet enfermeront les opposants. Et qui sont torturés et même mis à mort. Neruda, de retour chez lui, veut alors consacrer les années qui lui restent à vivre à l'écriture. Et effectivement, il mettra un point final à la rédaction de ses mémoires. Est-ce qu'il est diminué ? Certes, il n'est pas en très bonne forme. Enfin, chez un homme de son âge, il a alors 69 ans, ce type de cancer évolue très lentement. Sa veuve dira même qu'il était en voie de guérison. Non, ce qui le handicape physiquement, c'est aussi la goutte dont il souffre. En tout cas, ça ne l'empêche pas de travailler très activement et de recevoir beaucoup dans sa maison du Pacifique, qui est une sorte de musée. Donc il mène une vie quasi normale. Et comment réagit-il alors lorsqu'il apprend le coup d'État ? Ah, très douloureusement. Surtout quand il apprend la mort de son ami Allende, même s'il ne se faisait pas d'illusions. Dans un poème politique publié au début 73, il avait déjà accusé Nixon de fomenter un mauvais coup contre la démocratie chilienne. Mais est-ce qu'il envisage tout de suite de s'exiler là ? Je le pense, car il sait qu'il ne pourra plus s'exprimer dans son pays. Et dès le 16 septembre, le président mexicain, Luis Echavarria, demande à son ambassadeur au Chili de lui faire savoir qu'il lui offre l'asile politique. Et Neruda accepte ? Oui, il est décidé qu'un avion mexicain lui sera envoyé. La date du départ est même fixée au 22 septembre. Alors, voyons maintenant la chronologie des derniers jours du poète. On la doit à son chauffeur. L'homme qui prétendra toujours que Neruda a été assassiné. En effet, il s'appelle Manuel Araya et il a 23 ans. Auprès de Neruda, il joue aussi le rôle de secrétaire particulier. C'est le Parti communiste chilien qui lui a confié la charge de veiller sur Neruda. Et donc, au besoin de le protéger. C'est certain. Le 19 septembre, Neruda monte dans une ambulance afin de rejoindre Santiago, d'où il s'envolera pour le Mexique. Pourquoi en ambulance ? Essentiellement pour assurer sa protection. Mais il est vrai qu'à cause de ses crises de goutte, Neruda se déplace difficilement. Quoi qu'il en soit, le trajet est mouvementé. Au lieu des 2 heures habituelles, le voyage va durer 6 heures. Mais pourquoi là ? De nombreux barrages militaires interceptent le véhicule sous prétexte de chercher des armes. Oui. Et l'arrivée à Santiago, alors ? Là encore, pour des raisons de sécurité, Neruda est transporté dans une clinique, Santa Maria, un établissement dont on reparlera. Quand même, le fait qu'il ait été conduit dans une clinique pourrait indiquer que son état de santé s'était aggravé. Vous avez raison. Mais tous ceux qui l'ont vu ont déclaré le contraire, car Neruda a reçu de nombreuses visites dans sa chambre de la clinique Santa Maria. Des amis écrivains, des peintres, des hommes politiques du Parti démocrate chrétien. Et également des diplomates comme le représentant de la Suède au Chili dans la matinée, où son collègue français venu lui remettre la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Et bien sûr, l'ambassadeur mexicain González Martínez Corbala. Ouais, venu régler, lui, les derniers détails de son départ. C'est ça. Et déjà, les bagages de l'écrivain ou ceux de son épouse ont été chargés dans un DC-8 d'Aéro-Mexico qui a été spécialement affrété pour l'occasion et qui attend sur l'une des pistes de l'aéroport de Santiago. Donc, le 22 septembre, comme prévu, l'ambassadeur vient chercher Neruda à la clinique Santa Maria pour le conduire à l'aéroport. Toutefois, Le poète lui demande de repousser le voyage au lundi suivant, c'est-à-dire le 24. Mais pour quelle raison? On ne sait pas vraiment. Mais on peut tenter une explication, car Neruda a demandé à son chauffeur de conduire son épouse à Isla Negra afin de récupérer des objets personnels. Des objets qu'il aurait oubliés. Sans doute. Mmh. Par conséquent, le 23, Araya accompagne Matilda. Mais dans l'après-midi, alors qu'ils sont arrivés, Neruda les appelle et leur demande de rentrer immédiatement à Santiago. Il se sent très mal. Une brusque aggravation. Alors qu'il somnolait dans sa chambre, un médecin lui aurait fait une piqûre au ventre. Et depuis, ça n'irait pas. Effectivement, quand il est de retour à la clinique, Araya trouve Neruda fiévreux, rouge et enflé. Notamment au niveau de l'estomac où on l'aurait piqué. Et le chauffeur et l'épouse pensent à une manifestation allergique. Ici, il faut observer un décalage entre le témoignage du chauffeur et celui de la veuve de Neruda. Selon cette dernière, elle aurait demandé à Araya d'aller acheter de l'eau de Cologne afin d'en frictionner les jambes enflées du poète. Mais le chauffeur, lui, affirme que c'est un médecin qui l'aurait sollicité. Pour la même raison? Non, ce praticien lui aurait commandé de se procurer un médicament pour son patron. Un médicament seulement disponible dans une officine de banlieue. Et pas dans le centre-ville, non? Araya, un peu étonné, a quand même obtempéré. Mais en route, il est intercepté, jeté hors de son véhicule et roué de coups. On lui tire même une balle dans le genou. Puis il est embarqué au Stade National de Santiago, le principal et sinistre centre de rétention et de torture de la dictature. Ouais, et ça ressemble à un guet-apens. Bah évidemment, et Manuel Araya ne sera libéré qu'à la fin d'octobre 1973. Donc il ne reverra pas Neruda vivant. Oui, car quelques heures après avoir reçu cette piqûre, Neruda sombre dans le coma et il ne se réveillera pas. Alors, officiellement, de quoi est-il mort? Sur le certificat de décès, on peut lire « mort de cachexie, suite à un cancer de la prostate ». La cachexie, je vous le rappelle, c'est un état de malnutrition extrême et de grande faiblesse. Et disons-le tout de suite, dans le cas de Neruda, ça ne tient pas. Car si le poète était peut-être fatigué, il était nullement malnutri et pesait près de 100 kilos. Alors, s'agit-il donc d'un certificat mensonger? Ça ressemble, non? D'autant que les conditions de la mort de Neruda sont entourées de la plus grande confusion. Exemple, dès le lundi 24 septembre, le quotidien El Mercurio, un journal proche de la dictature, écrit que Neruda est mort d'un infarctus suite à une injection par piqûre. Une demi-vérité. Hein. Quant à l'ambassadeur mexicain qui a vu l'écrivain et organisé son voyage, il déclare à peu près ceci. Pablo Neruda était certes un homme malade, mais il n'était ni squelettique ni catatonique. Car si ça avait été le cas, il n'aurait pas envisagé de le mettre dans un avion pour un voyage de plusieurs heures. Ouais, ça c'est logique ça. Les avis des médecins sont également contradictoires. L'un dit que Neruda était un cancéreux en phase terminale, atteint par plusieurs métastases. Tandis qu'un autre, son médecin traitant, a confié à l'épouse de Neruda que son mari pourrait encore vivre 5 ans. Et justement là, quelle a été la réaction de cette dernière? Elle a été prise au dépourvu. Elle a bien sûr admis que la nouvelle du putsch avait provoqué chez son mari un choc. Mais d'après elle, je vous l'ai déjà dit, son cancer était presque guéri et la perspective de sa mort lui paraissait encore très lointaine. Et pourquoi s'est-elle aussi étonnée? N'a-t-il même pas eu le temps de laisser un testament? Donc, beaucoup de flou, hein, mais à la clinique, n'y avait-il pas un dossier médical? Il y en avait certainement un. Cependant, il a disparu. Pierre Calfon, correspondant du Monde au Chili, assiste aux funérailles de Pablo Neruda. Voici ce qu'il écrit alors. ce ne furent pas les funérailles nationales grandioses que, en d'autres temps, on aurait attendu après la disparition d'un prix Nobel dans un pays d'Amérique latine. Ce fut à la fois bien moins et bien plus. Quelques centaines de personnes seulement ont pu accompagner la dépouille mortelle de Pablo Neruda, depuis sa maison saccagée jusqu'au cimetière central de Santiago, surveillé par des carabiniers et des parachutistes sur pied de guerre. Mais dans l'histoire du nouveau régime militaire, cette matinée grise du 25 septembre marquera la première manifestation publique de la résistance chilienne. Dès l'arrivée du cortège, un cri monte de la foule « Camarade Pablo Neruda, présent !» suivi de « Camarade Salvador Allende, présent !» Il faut vivre le climat de terreur que les forces armées ont fait régner dans les rangs de la gauche pour apprécier l'audace du public lorsque, malgré la présence des fusils mitrailleurs, les paroles de l'Internationale furent entonnées en chœur par des voix que brisait par moments l'émotion. Un dernier mot sur la veuve de Neruda. Lorsque le chauffeur Manuel Araya la revoit en 1974, il insista pour dénoncer le fait qu'on avait tué le poète avec la piqûre qu'il a reçue. Mais Mathilde lui dit alors, si je parle, ils vont m'enlever tous les biens de Pablo. Si je parle. Donc elle se tait. Jusqu'à sa propre mort dans les années 80. Et aujourd'hui, alors, où en est-on ? En juin 2011, une plainte déposée par le Parti communiste chilien a été jugée recevable. Le juge Mario Carozza, chargé de l'enquête, a d'abord entendu le médecin de la clinique. Celui-ci s'est expliqué sur la fameuse piqûre. Il a assuré avoir injecté à Neruda une dose d'un puissant antidouleur. Oui, mais il nie toute injection de poison. Naturellement. Alors en décembre 2011, le PC chilien demande à la justice de procéder à l'exhumation de la dépouille du poète. En attendant que cette requête soit examinée, le juge n'a pas chômé et a constitué un énorme dossier judiciaire. Et au terme de ce travail d'investigation, il conclut à l'existence d'éléments permettant de conclure à la véracité des dires de Manuel Araya. D'où la nécessité de l'exhumation. Mais près de 40 ans après, il ne faut pas en attendre grand-chose. Enfin, c'est en tout cas l'opinion des médecins légistes qui sont très dubitatifs sur les résultats éventuels. Parce que même si on détecte la présence d'une substance chimique toxique dans le squelette, il sera difficile de déterminer sa concentration. Et toutefois, le juge a quand même autorisé cette exhumation. Le magistrat n'en est pas resté là. Et il a cherché dans une autre direction, c'est-à-dire découvrir le degré de gravité du cancer de Neruda. À quel stade était-il arrivé au moment de son décès ? Problème. Au Chili, les dossiers médicaux de Neruda ont disparu. Aussi a-t-il réclamé à la justice française de pouvoir accéder aux documents établis à Paris à l'hôpital Cochin. Ouais, où il a été soigné alors qu'il était ambassadeur du Chili en France. C'est ça. Ce magistrat est donc décidé à tout entreprendre pour découvrir la vérité. Oui, oui, je pense qu'il a aussi été aiguillonné par les développements de l'enquête sur une autre mort suspecte. Celle de l'ancien président de la République, Eduardo Frei. Oui, un dirigeant démocrate chrétien qui avait d'abord soutenu le putsch de Pinochet, avant de devenir l'un de ses opposants. En concluant une alliance avec la gauche. C'était donc un personnage embarrassant pour la dictature. Frei est mort en janvier 1982 à la clinique de Santa Maria, officiellement victime d'une septicémie, alors qu'il y était entré 2 mois plus tôt pour une simple hernie hiatale. Ouais. Et cette clinique, c'est celle où Neruda est mort. À la même, oui. Ouais. Fâcheuse coïncidence. Là, très vite, la rumeur d'un empoisonnement a commencé à circuler. Mais c'est en 2000 que sa fille, la sénatrice Carmen Frey, s'est interrogée publiquement sur les circonstances de la mort de son père. Pourquoi ? Elle avait bénéficié d'une nouvelle information ? Oui, oui, un prêtre venait de lui confier qu'un ex-agent de la DINA, la police secrète de Pinochet, savait que son père avait été supprimé 18 ans plus tôt, avec son frère, lui-même, ancien président du Chili. Elle porte donc plainte pour assassinat en octobre 2002. Là encore, on va exhumer le corps. Une première analyse de la dépouille, opérée avec l'assistance de spécialistes du FBI américain, ne révèle aucune présence d'agents biologiques suspects. Mais on ne pouvait en trouver. Que voulez-vous dire, là ? Bon, je vous explique dans un instant. Cependant, une autre autopsie pratiquée au début de l'automne 2006 permet de déceler des traces de poison. Alors, l'hypothèse de l'assassinat devient donc plausible. Hein ? D'autant que le médecin qui a opéré l'ancien président produit un témoignage accablant. Il déclare qu'à son avis, un agent chimique externe est responsable de la mort de Fay. Un poison, donc ? Oui. Toutefois, il se refuse à dire qui a utilisé cet agent chimique et ni même comment ce poison a pénétré dans le corps de l'ancien président. En tout cas, dès que ces informations sont rendues publiques, la présidente en exercice, Michelle Bachelet, se dit horrifiée. Michelle Bachelet, dont le père, un général, est mort sous la torture dans les prisons de la dictature. En décembre 2009, à l'issue d'une nouvelle autopsie, le juge chargé du dossier n'a plus aucun doute. Édouard Dauffray a été empoisonné durant son hospitalisation. La mort a été provoquée par l'introduction graduelle de substances toxiques et par l'injection de produits pharmaceutiques qui ont détérioré le système immunitaire de la victime. Et ces substances ont-elles été identifiées ? Oui. Les spécialistes du département de médecine légale de l'Université de Santiago ont mis en évidence la présence de gaz moutarde et d'un poison utilisé pour tuer les rats. Par conséquent, à la suite de ces conclusions, le magistrat ordonne l'arrestation de 6 hommes. Qui sont-ils, là ? On trouve d'abord 4 médecins, dont celui qui a opéré Fray, et 3 autres qui ont autopsié ce dernier au lendemain de sa mort. Des praticiens qui auraient donc fait preuve de négligence. Et même de manœuvres pour contrecarrer la vérité. Mais encore une fois, laissez-moi poursuivre, je vous explique ça ensuite. Dans la liste des personnes arrêtées, il y a aussi un employé civil de l'armée et le chauffeur de l'ex-président qui a reconnu être un agent des services secrets chiliens pour lesquels il espionnait son patron. Tous sont mis en examen pour assassinat ou complicité. Ils ont bien entendu fait appel de cette décision et même tenté de faire dessaisir le juge. Mais la Cour suprême en a décidé autrement. Et en 2011, c'est même le gouvernement chilien du président Pinal qui a porté officiellement plainte pour la mort d'Edouard Dauffray. Ouais. Alors venons-en là au mystère que vous avez promis de me dévoiler. Le journal El País, un journal toujours très bien informé, a publié un document très intéressant daté de 2009, issu des fameux télégrammes Wikileaks. Il s'agit d'un câble de l'ambassade états-unienne au Chili, où il est question de l'affaire Fray. Il y est certifié qu'aucune preuve probante ne permettra d'affirmer que l'ex-président a été assassiné. Mais pourquoi ? Parce que, affirme le rédacteur de ce document, les médecins chiliens se sont débrouillés pour qu'on ne trouve aucune trace de poison dans les viscères de la victime et de décrire une opération macabre assez horrible. Ouais, allez-y quand même, je ne faiblirai pas. D'accord. Moins d'une heure après la mort de Fray, des médecins de l'université catholique se sont rendus à la clinique Santa Maria et ont effectué une autopsie sans l'autorisation de la famille. Une autopsie tout à fait inhabituelle qui s'est déroulée dans la chambre même de la clinique. Le corps a été littéralement pendu à une corde et donc accroché à la verticale, afin de drainer, après avoir pratiqué différentes incisions, tous les fluides corporels dans un récipient. C'est pas très ragoûtant, hein. Et ensuite, le corps a été ouvert et les organes internes qui auraient pu contenir des traces de poison ont été prélevés, puis détruits. Enfin, le cadavre a été embaumé. Ouais. Alors, c'est pourquoi la première expertise des hommes du FBI n'a produit aucun résultat. Mais attendez, entre parenthèses, la révélation de ce cas met à jour la complicité qui existait entre les Américains et la clique de Pinochet. Depuis le premier jour. Mais ça, vous le savez, bien sûr. Mais pourquoi, alors ? Les analyses qui ont suivi ont pu permettre de détecter des traces de poison. Parce que, très certainement, c'est le squelette qui a été expertisé, puisqu'il n'y avait plus d'organes mous. Et puis, vous n'ignorez pas que la médecine légale ne cesse de faire des progrès, mais je reviens sur la nature des poisons qui ont été identifiés. Oui, non, un raticide et du gaz moutarde. Oui, qu'on a appelé hyperite pendant la Grande Guerre. Un poison liquide redoutable qui a été, si j'ose dire, perfectionné au cours des décennies. Et ça nous conduit tout droit à un personnage redoutable, Eugenio Berrios, l'empoisonneur de Pinochet. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 2009, alors que viennent de tomber les premières révélations sur l'assassinat d'Eduardo Frey, l'envoyé spécial de la Croix, Gilles Biasset, écrit ceci. Si l'ancien président, comme d'autres responsables de la démocratie chrétienne, avait d'abord approuvé le coup d'État de septembre 73, il avait par la suite pris ses distances avec le régime, rédigeant en 1976 un réquisitoire lucide sur son caractère fasciste. Dans un document de 55 pages, le juge Alejandro Madrid rappelle qu'Eduardo Frei avait pris la tête de la dissidence à l'occasion du référendum de 1980 visant à approuver une nouvelle constitution mise en place par la dictature. Il était donc devenu un danger pour Augusto Pinochet qui pouvait difficilement le discréditer en le qualifiant de communiste. Et la décision avait été prise de l'éliminer. Mais avec plus de discrétion qu'à l'accoutumée pour une police politique qui ne rechignait pas aux attentats spectaculaires. En 1976, l'ancien ministre de Salvador Allende, Orlando Letelier, avait péri dans l'explosion de sa voiture piégée à Washington. Un assassinat au grand jour aurait en effet eu de lourdes répercussions à l'étranger, mais aussi au Chili, où ce leader démocrate chrétien était très respecté. Vous pensez donc que c'est ce Berrios qui a été mêlé à l'assassinat de Frei ? Mais aussi probablement à celui de Neruda, et à bien d'autres moins connus. Et souvenez-vous, nous avons parlé autrefois de l'empoisonneur de Pinochet. Alors, son histoire ? Le jeune homme qui a fait des études de chimie rejoint très tôt les rangs d'un groupe paramilitaire extrémiste, le Front National Patrie et Liberté. Ouais, il fait donc partie de cette mouvance qui va lutter souterrainement contre le pouvoir socialiste. Hein. Et au moment du putsch de 1973, on va le retrouver dans la rue, muni comme ses compagnons d'un sauf-conduit accordé par l'armée. Le jeune Berrios fait le coup de feu et tire sur les manifestants de gauche. Puis il est récupéré par la DINA, la police secrète de Pinochet. Rien d'étonnant. Les services spéciaux cherchent toujours à se doter de nouveaux moyens de se débarrasser des personnes indésirables. Mais si possible, le plus discrètement. C'est-à-dire sans laisser de traces. Le mieux étant de trouver des armes létales qui provoquent une mort apparemment non suspecte. Oui, accident cardiaque ou vasculaire cérébral, par exemple. Ou des empoisonnements dont la cause paraît naturelle. La contamination par un microbe, par exemple. Eugenio Berrios a confié à l'épouse d'un complice qu'il n'y avait pas mieux qu'une goutte de staphylocoque doré. Ouais, c'est un redoutable bacille qui provoque des infections parfois mortelles. Et qui résiste à nombre d'antibiotiques. En tout cas, les substances utilisées, qu'elles soient chimiques ou biologiques, doivent pouvoir abuser les médecins légistes. C'est ainsi qu'on a demandé à Berrios de participer à un programme ultra-secret. Nom de code, ANDREA, un acronyme qui signifie Alliance Nationaliste des Républiques Américaines. Dans le projet ANDREA, il y avait un département consacré à la fabrication d'armes non conventionnelles. Ah ben c'est les fameuses ADM, ça. Oui, les armes de destruction massive, qui peuvent aussi devenir des armes de destruction individuelle. Tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Et Berrios va faire preuve dans ce domaine d'une diabolique ingéniosité. Il n'éprouve aucun scrupule à effectuer des travaux sur des poisons tels que le gaz moutarde, le sarin ou le tabac. Des produits chimiques qui ont la particularité de s'attaquer au système nerveux. Ouais, des neurotoxiques. Qui, en bloquant le système nerveux, provoquent une asphyxie très rapide. En modifiant les propriétés du sarin et en procédant à des expérimentations, il a découvert que l'administration d'une petite dose pouvait provoquer une attaque cardiaque mortelle qui pouvait sembler parfaitement naturelle aux yeux de n'importe quel médecin. Vous avez parlé d'expérimentation là, sur des cobayes hein ? Pas des chiens, des lapins, oui. Mais pas seulement. Berrios a aussi testé ses poisons sur des hommes, des détenus politiques de la prison de Santiago, mais aussi au sein de la sinistre Colonia Dignidad, une étrange colonie créée au Chili par un ancien brancardier de la Wehrmacht, Paul Schaeffer, un gourou pédophile aux convictions nazies bien établies qui, au début des années 60, s'installe au Chili dans une région située au sud du pays. Et là où il va fonder sa colonie. Là, la Colonia Dignidad. Il obtient des privilèges incroyables, par exemple un statut d'extraterritorialité pour l'énorme propriété agricole qu'il a achetée, la Colonia Dignidad. Rapidement ceinturée de barbelés, de miradors, devient alors un petit état dans l'état où Schaeffer règne en maître, impose une discipline de fer et s'entoure d'autres anciens nazis. En outre, Il noue d'étroites relations avec des officiers chiliens. Mais des officiers qui ont été formés à la prussienne. Hein. Et qui ont souvent été de grands admirateurs de l'armée allemande, oui. C'est donc presque naturellement que les membres de la Colonia Dignidad ont été partie prenante à la préparation du putsch de Pinochet. Une collaboration qui va devenir encore plus étroite après 1973. La colonie échappe en effet à toute curiosité et on peut y agir dans le plus grand secret. Oui, c'est pourquoi, tout de suite après le putsch, on y envoie des prisonniers politiques. Hein. Oui, qui vont être interrogés, torturés, parfois tout simplement abattus. Et lorsque Eugenio Berrios, le chimiste de la DINA, demande l'autorisation de se livrer à des expérimentations humaines, c'est tout naturellement que ses chefs lui conseillent de se rendre à la Colonia Dignidad. Et il va effectivement tester ses poisons sur des prisonniers politiques? Absolument. Là-bas, il a toute latitude pour agir à sa guise. En passant, il faut observer que Pinochet y viendra à plusieurs reprises avec son épouse et louera ce paradis d'ordre et de propreté. Oui, un paradis où l'on tuait et torturait. Mais en toute discrétion. Il est aussi probable que la Colonia Dignidad a servi également de centre de production des poisons de Berrios, tant chimiques que biologiques, comme la redoutable toxine botulique. En tout cas, le chimiste étant satisfait du résultat de ses premières expériences in vivo, les tueurs de la DINA pourront passer à l'action. L'une de leurs premières victimes a sans doute été un journaliste chilien réfugié à Paris. Puis, en 1976, c'est un notaire qui est retrouvé mort à son domicile. Il avait eu récemment le tort de s'opposer à un important projet immobilier de la police secrète. Ouais, par conséquent, il gênait. Oui, comme gênait aussi le caporal Manuel Layton, également mort d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 20 ans. Ou encore le diplomate espagnol, Carmelo Soria. Et bien sûr, dans cette liste, il faut ajouter le nom d'Eduardo Frei. Au moment de la mort de l'ancien président, Berrios travaillait pour le complexe chimique de l'armée. Mais peu à peu, sa situation se dégrade. Oui, je me souviens, la drogue. Hein. La cocaïne, oui, ouais. Dont le chimiste devient un consommateur régulier. Il est probable que son addiction à la cocaïne lui a été fatale. Il aurait en effet profité du matériel des laboratoires pour transformer de la coca en cocaïne. Pour son usage? Oui, aussi pour en faire le trafic. Donc, on commence à se méfier de lui. En même temps, l'opposition chilienne a repris des couleurs. En 1988, la junte est obligée de lever l'état d'urgence en vigueur depuis le putsch de septembre 1973. Et deuxième recul, les militaires autorisent les exilés politiques à revenir au Chili. Mais la grande affaire, c'est la tenue du référendum d'octobre qui doit décider du maintien au pouvoir du général Pinochet. Et c'est la victoire du non. Ah, une large victoire. Toutefois, malgré ce grave échec, et l'élection d'un président démocrate chrétien, Pinochet reste commandant en chef de l'armée. Il est évident qu'il fera tout pour limiter l'action des magistrats qui ont lancé des enquêtes sur les violations des droits de l'homme. Ouais, surtout lorsque ce sont des militaires qui sont soupçonnés ou mis directement en cause par ces enquêtes. Hein. En tout cas, la police secrète obligée de mettre fin aux activités criminelles de Berrios cesse bien sûr de le payer. Et le chimiste vit d'expédients, il a surtout conscience que la justice un jour ou l'autre lui demandera des comptes car son nom apparaîtra forcément dans nombre de dossiers criminels. C'est en particulier le cas dans l'affaire Letellier, un ancien ministre d'Allende, assassiné aux États-Unis. Le magistrat instructeur chilien convoque donc Berrios, mais l'homme est introuvable et les autorités militaires affirment ne pas le connaître. Ah, mensonge, évidemment. Oui. Mais elles doivent réagir, car Berrios représente un danger considérable. À cause de tout ce qu'il sait. Par conséquent, le chimiste doit être exfiltré au plus vite. Et compte tenu de son addiction, il faut aussi le surveiller. Même à l'étranger, Berrios peut se montrer très bavard et parler à qui lui offrira de la drogue. Et où est-il expédié, là ? En Uruguay. Un pays où, certes, les civils sont revenus au pouvoir après une longue parenthèse militaire, mais où les putschistes chiliens ont gardé de précieux contacts dans l'armée et la police uruguayenne. Là, Berrios bénéficie d'une protection très efficace, mêlant à la fois des agents chiliens et uruguayens qui s'interposent dès qu'ils voient le chimiste engager la conversation avec un inconnu. Mais attends, s'agit-il de protection ou de surveillance? Ah ben les deux, bien sûr, car Berrios fait parfois preuve d'indocilité. Tant et si bien qu'il est décidé en novembre 1992 de l'éloigner. Il est alors conduit dans une villa isolée à 50 kilomètres de Montevideo. Ben c'est maintenant clairement un prisonnier. Oui, et quelques jours plus tard, il tente une véritable évasion. Il entre en trombe dans un commissariat en hurlant « Pinochet veut me tuer !» Il demande à être protégé. Oui, il veut parler au commissaire. Mais aussitôt, trois officiers uruguayens se présentent et exigent qu'on leur livre Berrios. Mais attendez, avec quels arguments, là? Leur chef affirme simplement que Berrios, étant sous la garde de militaires uruguayens et chiliens, doit leur être remis. Toutefois, avant de quitter le commissaire, Berrios lui tend discrètement un papier qui était caché dans sa chaussure. Et quoi, ce papier? Une photocopie de sa carte d'identité. Mais et pourquoi, là? Ben, ainsi a-t-il dit au commissaire, ma famille saura que je suis passé ici. Ouais. À ce moment-là, il avait donc très peur pour sa vie. Ben, hein. Ça me paraît évident. Ouais. Et ensuite? Berrios repart avec ses geôliers. Puis c'est le silence. Personne, à part son ou ses assassins, ne le reverra vivant. Et c'est un squelette que retrouveront en 1995 des pêcheurs sur une plage uruguayenne. Il est intéressant de noter que l'ex-président Pinochet est venu en Uruguay en février 93, c'est-à-dire à peu près à l'époque où Berrios a disparu et a été assassiné. Officiellement, Pinochet venait passer des vacances. Ouais, encore une coïncidence. En tout cas, l'affaire a eu des suites. D'abord en Uruguay. Le juge uruguayen chargé de l'affaire a été victime d'un attentat et la fiancée d'un jeune policier présent lors de l'irruption de Berrios au commissariat a été tuée. Et peu après, ce jeune homme a reconnu qu'il avait reçu des menaces. Mmh. Et au Chili, alors? Une juge a été chargée de coordonner les recherches. Mais cette magistrate est aussi menacée. Et en juin 1994, elle meurt dans un étrange accident de voiture.